Charles Dickens. Une tournée avec l'inspecteur Field. Rien de nouveau cette nuit? L'horloge sonne 9h à l'église de Saint-Gilles. Le temps est triste et pluvieux. Une vapeur grise enveloppe d'un voile chaque bec de gaz. La lueur qui s'en dégage est comme entrevue à travers des larmes. Un vent humide souffle. Il souffle si fort qu'il éteint presque en passant le feu du rôtisseur, qui imprudemment entr'ouvre sa porte. Une nuée de petites étincelles rouges s'engouffre à sa suite. L'horloge de Saint-Gilles sonne 9h. Nous sommes exacts. Où est l'inspecteur Field? Le commissaire de police auxiliaire est déjà là, enveloppé dans son manteau de toile cirée. Il attend dans l'ombre du porche de l'église, le sergent aussi. Où est l'inspecteur Field? L'inspecteur Field est de garde ce soir au British Museum. Son œil perçant scrute les recoins les plus sombres de toutes les galeries avant de passer au rapport. Il regarde d'un air soupçonneux aussi bien les marbres d'Elgin que les géants égyptiens à la mine de chats qui se tiennent depuis des siècles les mains croisées sur leurs genoux. L'inspecteur Field, consciencieux, vigilant, sa lampe à la main, qui dessine sur les murs des ombres monstrueuses, passe à travers toutes ces vastes pièces. Si une momie tremble le moins du monde au milieu de ces bandelettes, immédiatement l'inspecteur Field dira « Allons, sors de là, Tom Green, je te connais bien. » Le voleur le plus subtil, le rôdeur le plus expérimenté, n'échappera pas à l'inspecteur Field, qui a pour cela un flair qui vaut celui de l'ogre du petit pousset. Mais tout est tranquille, et l'inspecteur continue sa ronde en apparence d'un air indifférent. C'est à peine si, en passant, il adresse un petit signe de reconnaissance au mammouth. Peut-être se demande-t-il comment la police s'était organisée au temps antédiluvien. L'inspecteur Field en a-t-il encore pour longtemps? Une demi-heure, peut-être. Il nous envoie ses compliments par un agent et nous prie de l'attendre au poste de Saint-Gilles, de l'autre côté de la rue. C'est bon. Autant vaut attendre au coin du feu que sous le porche de l'église. Y a-t-il du nouveau ici ce soir? Non, tout est tranquille au poste. Un enfant perdu est assis au coin du feu. On le confie à un agent qui doit le ramener chez lui. Dans un coin, une malheureuse femme ivre qui a tant crié qu'il ne lui reste plus de voix. Elle gesticule, fait de grands mouvements des bras et des jambes, et répète sans cesse qu'elle écrira à la reine. On la calme en lui faisant boire un verre d'eau. Dans une cellule, c'est une pauvre femme, un enfant pendu au sein. On l'a arrêtée parce qu'elle mendiait. Dans une autre, c'est le mari en blouse avec une hotte remplie de cressons. Dans une autre encore, un voleur. Plus loin, un pauvre vieillard, doux et timide. Il était sorti de l'asile en congé. Il n'a pris qu'une petite goutte d'eau de vie, mais c'était encore trop pour sa pauvre tête, et c'est tout. On entend du mouvement du côté de la porte. « Messieurs, monsieur Field, l'inspecteur Field entre en s'épongeant le front. Il est un peu fort et il est venu vite. C'est qu'il revient de loin. » N'avait-il pas sous les yeux tout à l'heure les métaux des mines les plus profondes, les oiseaux des îles et des mers du sud, les produits des tropiques, sans parler des arts de la Grèce et de Rome et des sculptures de Ninive? Rogers est-il prêt? Rogers est prêt, encapuchonné, botté, avec un œil flamboyant au milieu de sa ceinture, comme l'œil d'un cyclope antique. Marche devant, Rogers, et conduis-nous au château des rats. Combien de gens, si on les avait amenés là, les yeux bandés, se serait imaginé à être dans les quartiers perdus de Londres et n'aurait jamais voulu croire que le poste n'est guère qu'à une cinquantaine de pas. Combien reconnaîtrait, à travers ses odeurs, ses entassements d'ordures, ses maisons en ruine, qui rejettent sur le trottoir leur vile contenu, animé ou inanimé? Combien reconnaîtrait l'air qu'il respire tous les jours, leur air? Quel est celui d'entre nous qui, se trouvant tout à coup entouré par ces êtres misérables, par ces figures hâves, ces joues creuses, ces fronts bas, ces yeux effrontés, ces cheveux en broussaille, ces tas de loques puantes, quel est celui d'entre nous qui peut se dire « Oui, j'ai pensé à tout cela. Je n'ai pas chassé cette pensée importune. Je ne l'ai pas éloignée. Je ne l'ai pas remise à plus tard. Je ne me suis pas détourné avec horreur et dégoût de ce spectacle quand il s'est offert à mes yeux. » Mais ce n'est pas ce qui préoccupe Rogers pour le moment. Ce que Rogers veut savoir, c'est si vous n'allez pas bientôt déblayer un peu le terrain, vous autres. Car enfin, si ça n'en finit pas, on sera obligé de vous mettre sous clé. Comment? C'est toi, Bob Mills? Tu n'en as donc pas eu assez, mon garçon? Tu en veux encore 3 mois? Allons, lâche, monsieur. Pourquoi te faufiles-tu par là? Qu'est-ce que vous me voulez, monsieur Rogers? Et la vilaine tête de Bob Mills apparaît au bout de la traînée lumineuse de la lanterne. Tu ne seras plus vite que tu ne veux si tu ne te files pas. Un murmure approbateur s'élève. File, Bob, quand monsieur Rogers et monsieur Field te le disent. Pourquoi ne files-tu pas quand on te le dit? Voyons. Une des voix paraît attirer particulièrement l'attention de Rogers. Il dirige tout à coup sa lanterne de ce côté. « Comment, tu es là aussi, Click? Eh bien, dépêche-toi de filer. »« Et pourquoi ?»« Tu m'entends ?» reprit Rogers d'un air sévère. Click et Miles ne se firent pas répéter la chose 2 fois. L'inspecteur Field fit rapprocher 2 agents qui nous suivaient, nous recommandant de ne pas nous séparer et de faire attention à nos têtes, car il s'agissait de descendre par un escalier assez rapide dans une sorte de cave. 10 heures sonnaient à l'église de Saint-Gilles. Nous nous baissons le plus possible, nous rampons, pour ainsi dire, et nous arrivons dans une cave fermée et très noire, autour d'une longue table, sur des bancs, beaucoup de monde, en général des jeunes gens en guenilles, et à des degrés différents de saleté. Quelques-uns soupent. Pas de filles ou de femmes. C'est le château des rats, un repère connu. Soyez les bienvenus, messieurs, dans ce monde de voleurs. Eh bien, mes enfants, comment ça va-t-il? Je vous amène de la compagnie. J'espère. On ne se prive de rien ici. Quel beefsteak! Quel est l'heureux gaillard qui va se mettre ça dans le ventre? Montre-nous ta tête, voyons. Allons, debout, et enlève ta casquette. On se tient mieux que ça dans le monde, monsieur. C'est l'inspecteur Field qui parle, tandis que son œil perçant scrute les plus petits recoins de la pièce. De sa main, l'inspecteur Field a arrêté plus de la moitié des gens qui sont là. Il a envoyé frère, sœur, père, mère, amis, inexorablement, aux galères. Et malgré cela, il est dans ce bouge comme le sultan de l'endroit. Tous les voleurs sont à plat ventre devant lui. Ils lui sont aussi soumis que les colliers au maître d'école. Ils ne le perdent pas des yeux. Ils lui répondent quand il leur parle, rient de ses plaisanteries, et essayent de se le rendre favorable. Dans cette cave, sans parler des abords de la rue et de l'escalier qui sont encombrés, il y a plus de monde qu'il n'en faut pour nous assassiner, et des gens qui y prendraient probablement un certain plaisir. Eh bien, s'il prend en fantaisie à l'inspecteur Field d'arrêter un de ses voleurs, il n'a qu'à tirer de sa poche un gourdin, célèbre, et à dire de son air entendu « Mon garçon, j'ai besoin de toi. Cela suffit. » Le château des rats est frappé de paralysie et pas un doigt ne se lève pendant qu'on met la menotte au patient. « Où est le comte de Warwick ?»« Le voilà. Voilà le comte de Warwick, monsieur Field. »« Ah, c'est vous, monseigneur. ôtez votre chapeau, corbleu. Je serais honteux de me présenter ainsi devant un gentleman, mon chapeau sur la tête. » Le comte de Warwick rit et se découvre. Toute la société lui fait chorus. Un pickpocket, surtout, paraît dans le plus grand enthousiasme. C'est si amusant, c'est si farce quand monsieur Field descend et qu'il ne vient chercher personne. Tiens, vous êtes là aussi. Il parle à un grand homme sec, légèrement grisonnant, qui a la tournure d'un ancien militaire et qui se tient près du feu. Oui, monsieur, bonsoir, monsieur Field. Voyons donc, n'avez-vous pas été domestique chez un grand personnage autrefois? Oui, monsieur Field. Et que faites-vous maintenant? Dame, monsieur Field, je m'en tire comme je peux. J'ai été obligé de quitter ma place à cause de ma santé. La famille est très bonne pour moi. Monsieur W. de Piccadilly s'intéresse aussi à moi. Et monsieur X. d'Oxford. Je m'en tire comme je peux, monsieur Field. Monsieur Field s'amuse beaucoup, car il sait que cet homme est le plus grand écriveur de lettres anonymes et de suppliques qu'il y ait à Londres, et qu'il ne vit que de cela. Bonsoir, mes enfants. Bonsoir, monsieur Field, et merci. Allons, faites-nous place, déblayez le terrain. Pas de cela, monsieur Stalker. Nous n'avons pas besoin de vous. Et Rogers, à l'œil de Cyclope, nous conduit au garni des vagabonds. Une foule, des gens en guenilles, des figures sinistres attendent à la porte. Allons place, vous tous. L'agent se plante en arrière-garde en sifflant d'un air tranquille, et il étend son bras droit en travers du passage. Monsieur Stalker, vous allez vous attirer une mauvaise affaire, je vous en réponds, si je vous aperçois encore une fois. 11 heures sonnent à l'horloge de Saint-Gilles quand nous entrouvons la porte. L'atmosphère épaisse et pestilentielle qui se dégage de ce taudis nous fait d'abord reculer. Rogers passe devant avec sa lanterne et nous regardons. 10, 20, 30, qui peut les compter? Des hommes, des femmes, des enfants, la plupart à moitié nus, entassés dans les coins comme des larves dans un fromage. Voilà, y a-t-il quelqu'un dans ce coin noir là-bas? Oui, monsieur, un Irlandais veuf avec 6 enfants. Et là-bas? Moi, monsieur, un Irlandais aussi, avec une femme et 8 pauvres petits bébés. Et là, à gauche? 3 Irlandais. Et à droite? Moi, monsieur, la famille Murphy, qui se compose de 5 pauvres créatures. Mais qu'est-ce que je sens ramper autour de moi? Un autre Irlandais, sans doute, qui a terriblement besoin d'un coup de rasoir et que j'ai réveillé. Un pas plus loin, je manque de marcher sur sa femme. L'inspecteur Field s'empêtre les pieds dans un tas d'enfants endormis. Ce sont les 3 aînés. Les plus jeunes se trouvent pour le moment serrés entre la porte ouverte et le mur. Et pourquoi n'y a-t-il personne sur cette paillasse devant le feu? Sur la place d'Odevan, de sa femme et de sa fille. Ils ne sont pas encore rentrés. Ils vendent des allumettes dans les rues. Tout le monde est réveillé maintenant, excepté les enfants. On s'est redressé et on nous regarde. De quelque côté que Rogers tourne son œil flamboyant, on voit un spectre nu sortir d'un tombeau de guenilles. « Où est le propriétaire ?» demande M. Field. « C'est moi, monsieur, » répond un homme qui n'a que la peau sur les os, qui est appuyé contre le mur et qui se gratte d'une façon significative. Tenez, emploierez-vous cet argent honnêtement demain matin pour leur payer une tournée de café? Oui, monsieur, certainement. Oh, il le fera, monsieur, il le fera, il est honnête, crient tous les spectres. Ils remercient, nous souhaitent le bonsoir et se recouchent dans leur tombeau. Le bruit s'est déjà répandu dehors, de la générosité de l'inspecteur Field. L'histoire du café circule, la cour est encombrée, et Rogers, assailli de supplications, « Montrez-leur encore d'autres garnis, sergent. Le mien, non, le mien, le mien. » Rogers, militairement, poursuit son chemin sans répondre, le col raide. Tous s'écartent devant lui. L'inspecteur Field suit et l'agent termine la marche. À lui seul, il contient toute la foule et semble, sans effort, voir ce qui se passe derrière son dos. Il interloque complètement un individu tout à fait à l'arrière, en lui disant tranquillement « Ça ne pourra pas aller comme cela, monsieur Michel. N'essayez pas. Nous visitons encore quelques garnis. Maison meublée, repère infect. Là, nous voyons une famille d'Éthiopiens qui a le plus grand succès dans Oxford Street. Ici, un ou deux de ces célèbres artistes qui dessinent à la craie, sur les trottoirs, un Napoléon entre deux maquereaux. Partout, l'inspecteur Field est reçu chaleureusement. Les faux monnayeurs, les banqueroutiers, les pickpockets s'inclinent devant lui. Le beau sexe, qui n'a rien de beau ici, lui sourit. De vieilles sorcières à moitié ivres s'arrêtent au milieu de leurs libations pour boire à sa santé, où elle le presse même d'achever le verre à moitié vide. Une belle dame vêtue de loques noires que le temps a rendue rousse ne sait comment lui exprimer son admiration. Elle court après lui, elle veut lui serrer la main. Dans sa course, elle trébuche et tombe dans une mer de boue, mais elle ne continue pas moins à lui exprimer par geste la vivacité de ses sentiments. L'idée morale, la force de la loi, la puissance du bon sens dominent, et je vous assure que quand l'inspecteur Field passe la revue, la garnison du château des rats et des forteresses voisines font piètre contenance. L'horloge de Saint-Gilles nous avertit que dans une demi-heure minuit va sonner, et l'inspecteur Field nous engage à nous hâter, afin d'arriver à la vieille mine. Dans le faubourg, notre cocher de fiacre a l'air extrêmement découragé. Est-ce le sentiment de sa responsabilité qui l'affecte? Qu'est-ce que je vous dois, mon garçon? Oh, vous le savez mieux que moi, inspecteur. À quoi bon me le demander? Ici, nous trouvons Parker, encapuchonné, qui nous attend pour prendre la place de Rogers. Il est tout prêt, sa lanterne à la main. La rue étroite dans laquelle nous nous engageons, et que l'on appelle la vieille mine, est pleine de maisons meublées d'un aspect sordide et misérable. Et cependant, comme c'est changé depuis 6 ou 7 ans que je ne suis venu, c'est infiniment plus tranquille, plus convenable que dans ce temps-là. C'est que l'inspecteur Haynes, qui est chargé de ce quartier, est un homme de premier ordre, et qui leur fait une guerre du diable. « Eh bien, mes enfants, comment cela va-t-il ce soir? Ah, on joue aux cartes, et qu'est-ce qui gagne ?»« Moi, monsieur Field, » répond un homme à la mine renfrognée, avec de longs cheveux gras, qui lui tombent de chaque côté de la figure, et qui essuie des yeux chassieux avec un mouchoir aussi sale et aussi gluant qu'une peau d'anguille. « Je perds tout le temps. » Et comme à contre-cœur, il retire sa pipe de sa bouche, et fait un signe de politesse. « J'espère, monsieur Field, que vous allez bien. »« Très bien, mon garçon. »« Député, qui avez-vous en haut? Montrez-nous les chambres. »« Pourquoi, député ?»« L'inspecteur n'en sait rien. C'est ainsi qu'on appelle celui qui prend soin des lits et des locataires. »« Attention, député, car la chandelle posée dans une bouteille tremble. L'arrière-cour que nous traversons est bien noire. » Et l'escalier de bois craque sous nos pieds d'une façon qui n'est qu'à moitié rassurante. Dans des chambres closes et puantes, de vrais trous à rats, ou nids de vermine, au milieu d'odeurs intolérables, les dormeurs sont couchés sur de misérables lits à moitié recouverts par des loques immondes. Voilà, vous autres, montrez-vous. Parker va d'un lit à l'autre, et les oblige à tourner la tête de notre côté. Quelques-uns se réveillent, le juron et la menace à la bouche. Quoi? Qui a parlé? Si c'est l'œil flamboyant qui est fixé sur moi, il n'y a rien à faire. Je n'ai qu'à me laisser regarder. Est-ce moi qu'on veut? Non, recouche-toi. Et l'individu se recouche avec une sorte de grognement. Chaque fois que la lueur de la lanterne se fixe un instant, un dormeur apparaît au bout du rayon lumineux. Il se soumet à l'examen, puis s'évanouit de nouveau dans l'obscurité. Il doit se faire d'étranges rêves ici, député. En général, il dort à ses députés en retirant sa chandelle de la bouteille et en la mouchant avec ses doigts. Le bout de la mèche l'embarrasse évidemment. Il prend le parti de le jeter dans la bandelle. Quelle est la marque, député, que je vois sur les draps? C'est une bonne précaution de marquer le linge. Le député retourne la couverture d'un lit inoccupé et nous montre en grosses lettres ces mots. Arrêtez le voleur. Ainsi, ils dorment enveloppés, pour ainsi dire, dans l'histoire de leur vie. Ce cri, qui sans cesse leur tinte aux oreilles, ils le pressent contre leur poitrine pendant leur sommeil. C'est la première chose qu'ils aperçoivent au réveil, aussitôt que la conscience leur revient. La première chose qui les salue le jour de l'an, le jour de leur fête, le jour de Noël, lorsqu'ils font leurs adieux à l'année qui finit. Arrêtez le voleur. Savoir que, quoi qu'il arrive, on sera arrêté. Que rien ne pourra faire qu'on échappe à cette organisation inexorable. Ni l'énergie individuelle, ni la ruse. Et cependant, tout a l'air ménagé ici pour la fuite. Traverser la rue, entrer dans cette petite boutique, dans cette cour, examiner ces passages inextricables, ces portes à double fond comme des gobelets d'escamoteurs. Ah bien oui, à quoi sert tout cela? L'inspecteur Field entre en faisant un simple signe de tête. Il connaît tous les secrets. N'oubliez pas la vieille ferme, Parker. Parker n'est pas homme à l'oublier. Il nous y conduit maintenant. C'est la maison seigneuriale de ces parages. Autrefois, c'était en pleine campagne. Cette longue cour pavée, c'était le paddock ou le jardin. Y avait-il même un pigeonnier au milieu et des poules qui picoraient, de beaux ormes. Il n'y a plus maintenant que des tuyaux de cheminée et des pignons délabrés. Les corbeaux bruyants se sont envolés pour faire place à d'autres corbeaux. Field entre dans la cuisine qui est dans la cour, assez loin de la maison. Eh bien, tout va bien, oui, Noirot? Noirot, c'est cet individu qui depuis 25 ans se tient à l'entrée du pont de Londres et qui se teint la peau pour faire croire à une maladie. Le voilà, monsieur Field. Comment ça va, Noirot? Toujours guéri, monsieur. On ne joue pas de violon ce soir? Pas ce soir, monsieur. Un garçon à l'œil vif, le loustic de la bande, intervient. Il n'est pas en train, monsieur. Je viens de lui faire de la morale. Je l'entretenais de sa fin dernière. Vous voyez, là, monsieur, tous mes élèves, et je vous assure que s'il me donne de la peine, il me donne aussi de la satisfaction. Cette jeune femme est ma sœur, monsieur Field. C'est une très bonne élève. Au milieu de la cuisine et en extase devant ce bavardage, est assise une charmante créature, toute jeune, jolie, et l'air si modeste. Elle tient dans ses bras un beau petit bébé. On la dirait chez elle. Et cependant, comme elle ressemble peu aux autres. Son visage est si calme, si doux, sa voix aussi, et son regard si fier et si tendre, quand elle l'abaisse sur son enfant. Ne vaut-elle pas mieux que le reste? L'expérience de Field dit non, et va au-devant de ma question. En approchant de la ferme, nous distinguons le son d'un piano, puis le bruit cesse, et l'hôtesse paraît. Certainement, elle ne s'oppose pas à ce qu'on lui amène du monde, mon Dieu, non. Mais ne pourrait-on venir d'un peu meilleure heure? L'inspecteur Field est poli, il la calme. Il sait d'ailleurs à qui il a affaire et connaît le sexe en général. La fille qui nous conduit, c'est une fille cette fois, nous fait monter un large escalier ancien, tenu très proprement, et nous introduit dans des pièces très propres, encombrées de dormeurs. Et c'est un effet étrange que celui de ces anciennes boiseries qui gardent encore des vestiges de dorures et auxquelles sont adossés ces misérables petits lits de fer. Cette propreté et cette odeur de savon, deux choses dont il nous semble que nous soyons sevrés depuis l'enfance, font de la vieille ferme un véritable phénomène et s'associent assez curieusement avec cette jolie mère et son enfant qui semble si peu à leur place, ici. Ce souvenir nous poursuit longtemps, longtemps après que nous avons quitté la ferme et la taverne voisine, qui conserve encore comme une odeur du temps où Jacques Shepherd daignait venir s'y régaler. Quelle heure est-il maintenant? L'horloge de Saint-Gilles répond en frappant 12 coups. Bonne nuit, Parker, car voilà Williams qui est tout près et qui attend pour nous accompagner dans la région de Radcliffe. Il veut nous montrer les maisons où dansent les matelots. Je jurerais que l'inspecteur Field est né dans le quartier de Radcliffe, tant il y paraît chez lui, s'il n'avait pas l'air également à son aise n'importe où il va. Ce n'est pas lui que le bruit de la rivière le soir impressionnerait. Que lui importe qu'elle coule, là toute noire à notre droite, tourbillonnant sous les portes des écluses, se brisant contre les piliers, les quais, les anneaux de fer, cachant dans sa vache tout un monde étrange, entraînant des corps de suicidés ou de noyés auxquels elle fait un sinistre cortège. Et pourtant que de tristes choses elle sait, que d'expérience elle a acquise, la rivière noire, depuis son berceau jusqu'à sa tombe. Rien de tout cela n'est un mystère pour l'inspecteur Field. La Tamise n'a-t-elle pas aussi sa police? Williams marche devant. Nous sommes un peu en retard. Quelques maisons ferment déjà, mais n'importe. Il en reste encore assez. Tous les hôteliers connaissent l'inspecteur Field. Tous lui font un petit salut amical, en passant d'un air de bonne humeur. On l'introduit partout. On ne lui cache rien. Il faut avouer d'ailleurs que ces maisons sont aussi bien tenues que possible. Non pas que la compagnie soit très choisie, ni les danses très gracieuses, mais la surveillance est très exacte et l'expulsion faite vivement quand le besoin s'en fait sentir. Ici, rien à craindre pour les poches. Le marin est chez lui. On ne voit partout que des trophées nautiques. On n'entend que des chansons mélancoliques comme la mer. Les gravures pendues au mur ne représentent que des naufrages, des combats en mer, des vaisseaux qui brûlent, qui sautent, qui évitent des récifs, qui coulent à fond, qui échouent. Des hommes couchés sur des vergues secouées par des rafales de vent, etc., etc. L'imagination la plus fantaisiste et la plus indépendante ne va pas au-delà du bébé joufflu à califourchon sur le dos d'écailles d'un dauphin. Quelle heure est-il maintenant? Plus d'une heure. Black et Green nous attendent à Whitechapel pour nous révéler les mystères de Wentworth Street. Il faut nous séparer de Williams, le meilleur des amis. Allons, adieu. Black et Green ouvrent leur grand œil lumineux et nous montrent le chemin. Le garni que nous cherchons est caché au milieu d'un dédale de rues et de cours. Il est hermétiquement clos. Nous frappons à la porte et le nez en l'air, nous guettons les vieilles fenêtres grillées et la façade délabrée dans l'espérance de voir apparaître une lumière. Le bruit que nous avons fait a tiré un autre agent de police qui arrive pour nous prêter main forte. Celui qui nous accompagnait enjambe la grille, se fraye un chemin et va frapper à la fenêtre. Il revient maintenant. L'hôtelier va envoyer un député immédiatement. Nous entendons le malheureux sauter à bas du lit. Il allume sa chandelle, tire les verrous et paraît à la porte, vêtu succinctement d'une chemise et d'un pantalon qui ne sont rien moins que propres. Il bâille et sa tête en broussaille paraît aussi emmêlée au moral qu'au physique. « Est-ce que nous cherchons quelqu'un? Vous pouvez monter et choisir dans le tas. » Il nous cède la lumière, s'assied sur un banc dans la cuisine, et à moitié endormi, il passe à plusieurs reprises ses 10 doigts dans ses cheveux. Nous faisons notre tour, puis nous sortons. Le député referme la porte sur nous et retourne se coucher. « Dites-moi, Black, et vous, Green, connaissez-vous Barque, le logeur, qui recèle des objets volés ?»« Oh oui, monsieur l'inspecteur. Eh bien, allons chez Barque. » Barque couche dans une espèce de trou à rats, une hutte de planches, une vraie niche, tout contre sa porte d'entrée. Tandis que nous parlementons avec le député, nous entendons Barque qui grogne. Nous entrons. Et Barque se précipite hors du lit. Barque furieux, ses cheveux rouges ébouriffés, montre dans le guichet de sa porte une tête de scélérat. planté sur un gros cou rouge qui a l'air d'être fait exprès pour être pendu. Le langage de Barque est terrible. Et maillé de jurons. « Je ne veux pas !» hurle Barque. « Que ces S agents, ces chiens entrent chez moi. Je ne veux pas, par tous les diables. Donnez-moi mon S pantalon. Que je les flanque dehors. Mon pantalon S. » Le pantalon de Barque n'est pas facile à trouver. Il le demande à grands cris, comme Hercule sa massue. « Qu'on me donne mon S pantalon, » rugit Barque, « et on verra. » L'inspecteur Field ne s'inquiète nullement de savoir si sa visite est ou non agréable à Barque. « Allons, Barque, ne faites pas l'imbécile, vous savez qu'il ne vous en reviendrait rien de bon. » « Je m'en fous, » répond Barque, et il continue de jurer comme un païen. Enfin, nous pénétrons dans la cuisine basse. Il est 2 heures du matin, et nous laissons Barque qui continue à écumer sous la surveillance de Black et de Green. La cuisine est pleine de voleurs qui conversent à la lueur d'une lampe. C'est de beaucoup la plus dangereuse réunion que nous ayons encore visitée. Excité par les cris furieux de Barque que l'on entend d'ici, il nous jette des regards noirs, mais sans oser bouger. Nous remontons. Barque a enfin trouvé son pantalon. Il est dans un véritable accès de folie furieuse, le dos appuyé contre la porte qui conduit à l'escalier supérieur. Il rugit comme une bête féroce. « Allons, Barque, laissez-nous monter. »« Non, vous ne monterez pas !»« Vous refusez de laisser entrer la police, Barque ?»« Oui, c'est-ce. » « Oui, salaud, je refuse par tous les diables. Si tous ces sales voleurs qui sont en bas dans la cuisine étaient des hommes, votre affaire serait vite faite. Fermez-moi la porte, » crie Barque. Et tout à coup, nous nous trouvons enfermés dans le passage. « Oui, il monterait, vous ferez votre affaire, » crie encore Barque. Et il attend. Mais rien ne bouge dans la cuisine. Nous sommes là une demi-douzaine enfermés dans cette maison perdue dans les plus mauvais quartiers de Londres, au beau milieu de la nuit. La maison est pleine de voleurs de la pire espèce, et pas un homme ne bouge. Non, Barque, non. Ils sentent la force de la loi, et ils connaissent trop bien l'inspecteur Field et compagnie. Enfin, nous laissons Barque calmer à loisir sa colère et enlever de nouveau son pantalon. Je pense que d'ici à peu, on lui fera sentir l'inconvenance de sa conduite, car Black et Green, qui sont généralement de service ici, ont l'air graves. Quant à White, il nous attend à Holborn pour nous montrer Rotten Grey Lane, où sont d'autres garnis encore, et le séminaire des voleurs, là où les jeunes générations apprennent le grand art. Tout est calme et tranquille par ici. Aucune lumière ne brille à travers les persiennes. La mort un jour s'étendra ici, comme aujourd'hui s'étend le sommeil. Les méchants eux-mêmes s'arrêtent quelquefois de faire le mal, même en ce monde.